Ésaïe chapitre 63. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, ayant les habitants en rouge, celui-ci qui est magnifiquement paré en son vêtement, marchant selon la grandeur de sa force? C'est moi qui parle en justice, et qui ai tout pouvoir de sauver. Pourquoi y a-t-il du rouge en ton vêtement, et pourquoi tes habits sont-ils, comme les habits de ceux qui foulent l'oppressoir? J'ai été tout seul à fouler l'oppressoir, et personne d'entre les peuples n'a été avec moi, cependant j'ai marché sur eux en ma colère, et je les ai foulés en ma fureur, et leur sang a rejailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année en laquelle je dois racheter les miens est venue. J'ai donc regardé, et il n'y a eu personne qui m'aida, et j'ai été étonné, et il n'y a eu personne qui me soutint, mais mon bras m'a sauvé, et ma fureur m'a soutenu. Ainsi j'ai foulé les peuples en ma colère, et je les ai enivrés en ma fureur, et j'ai abattu leurs forces par terre. Je ferai mention des gratuités de l'Éternel, qui sont les louanges de l'Éternel, à cause de tous les bienfaits que l'Éternel nous a faits, car grand est le bien de la maison d'Israël, lequel il leur a fait selon ses compassions, et selon la grandeur de ses gratuités. Car il a dit, quoi qu'il en soit, ils sont mon peuple, des enfants qui ne dégénéreront point et il leur a été sauveur. Et dans toute leur angoisse, il a été en angoisse, et l'ange de sa face les a délivrés, lui-même les a rachetés par son amour et sa clémence, et il les a portés, et les a élevés en tout temps. Mais ils ont été rebelles, et ils ont contristé l'esprit de sa sainteté, c'est pourquoi il est devenu leur ennemi, et il a lui-même combattu contre eux. Et on s'est souvenu des jours anciens de Moïse, et de son peuple. Où est celui, a-t-on dit, qui les faisait remonter hors de la mer, avec les pasteurs de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de l'esprit de sa sainteté? Qui les menait, étant à la main droite de Moïse, par le bras de sa gloire, qui fendait les eaux devant eux, afin qu'ils s'acquient un nom éternel? Qui les menait par les abîmes, et ils n'y ont point bronché, non plus que le cheval dans un lieu de pâturage? L'esprit de l'Éternel les a menés tout doucement, comme on mène une bête qui descend dans une plaine. Tu as ainsi conduit ton peuple, afin de t'acquérir un nom glorieux. Regarde des cieux, et vois de la demeure de ta sainteté et de ta gloire, où est ta jalousie, et ta force, et l'émotion bruyante de tes entrailles et de tes compassions, lesquelles se sont retenues envers moi? Certes tu es notre Père, encore qu'Abraham ne nous reconnut point, et qu'Israël ne nous avoua point, Éternel, c'est toi qui es notre Père, et ton nom est, notre Rédempteur de tout temps. Pourquoi nous as-tu fait égarer, ô Éternel, hors de tes voies, et pourquoi as-tu aliéné notre cœur de ta crainte? Retourne-toi en faveur de tes serviteurs, en faveur des tribus de ton héritage. Le peuple de ta sainteté a été en possession bien peu de temps, nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous avons été comme ceux sur lesquels tu ne domines point depuis longtemps, et sur lesquels ton nom n'est point réclamé.